Question 8. Les jeunes de 15-24 ans représentent environ 13% de la population. Réponse A. 20% de la population. Réponse B. Ils sont victimes de 10% des accidents mortels. Réponse C. 25% des accidents mortels. Réponse D.